des yeux à damner tous les saints, des saints à vous crever les yeux, des hanches à vous forcer la main, des mains à vous ouvrir les cieux. C'est ça Samothrace sans ses ailes, c'est la Vénus avec des bras, c'est la fille que Praxitèle aurait moulée à Tanagra. Elle est vraiment digne du Louvre par sa perfection, mais voilà, il faut pas qu'elle l'ouvre, car bon Dieu, qu'elle est con. Un peu plus touchée chaque jour par ses dons 100 fois répétés pour la cuisine et pour l'amour, et par sa radieuse beauté, j'ai fini par me laisser faire malgré son tout petit esprit. Et l'autre jour, devant le maire, très doucement, elle m'a dit: je me crois digne de ta flamme et de porter ton nom, car pour m'avoir choisi pour femme, oh vraiment que tu sois con.